Le meeting urgent demandant la détente dans la péninsule coréenne s'est déroulé à Tokyo, Japon, en présence de l'ex-vice-président de la Chambre des représentants, du président du comité japonais pour la réunification indépendante et pacifique de la Corée, des personnalités et habitants de divers milieux japonais. À la suite des interventions, les participants ont adopté un appel exigeant des autorités japonaises de s'efforcer pour la détente de la péninsule coréenne et la normalisation des relations diplomatiques avec la Corée, et des États-Unis de conclure l'accord de paix à travers le dialogue avec la Corée.